Chapitre 21. Le non-espace. Qui sommes-nous ? Rugit Panetta, dont la voix déjà grondante résonnait dans sa volumineuse poitrine, amplifiée et modifiée par le masque qu'il portait et qui représentait une version déformée de son visage de Dowoutine, avec d'épais sourcils et des cornes émanant du menton. Ces paroles vinrent s'écraser contre la mer de visages qui le fixaient et qui fixaient ceux qui partageaient sa table. La plupart des membres de la foule portaient eux aussi des masques, de factures différentes, mais tous confectionnés dans le même but. Quelques milliers d'individus issus de nombreux mondes dans toute la galaxie et unis par un désir commun de prendre, de tuer et de dévorer. « Les Nils !» lui répondit-on. La clameur lui revint comme un coup de tonnerre. « Que domptons-nous ? » cria l'Ournadi en levant son poing serré au bout d'un bras mince, nu et musculeux. C'était une Twi'lek d'une quarantaine d'années, maigre comme un piquet, à la peau verte comme l'eau d'un marécage, au lécou émacié et parcouru de rayures blanches comme un squelette. Elle portait une tenue de cuir renforcée, confectionnée avec la peau d'un dragon quel, et ne laissant qu'un bras nu, ainsi qu'un masque assorti et un couteau glissé dans un long fourreau à la cuisse. L'Ournas se tenait debout près de Panetta sur une estrade qui se dressait à l'une des extrémités du grand hall des Nihils, devant une table de banquet couverte de plats raffinés et d'alcool fort. La salle contenait des dizaines de tables semblables, séparées par d'immenses feux qui repoussaient la nuit infinie. Toutes croulaient sous les mets et les plaisirs auxquels chacun pouvait s'adonner à volonté. De la nourriture, des boissons, des drogues, à volonté. « La tempête !» répondirent les Nihils en criant. Le troisième et dernier maître Tempête hurla sa propre question. C'était Cassav, un wiké âgé dont la peau ressemblait à un bout de viande séchée au soleil. Il ne portait qu'une cape en fourrure, un pantalon de cuir usé et son propre masque, une mince plaque de métal martelé où l'on avait percé des fentes pour les yeux, le nez et la bouche. Une horrible parodie de visage. « Qui nous guide ? » beugla-t-il. « L'œil ! » répondirent-ils, et sur ces mots, les Nihils se retournèrent vers une autre plateforme plus basse que celle des maîtres tempêtes, où se tenait une seule personne assise à une table vide. Markion Ro. Lui aussi portait un masque, mais il différait de ceux des autres. L'objet était unique, même dans le grand hall des Nihils. Du transparacier fumé traversé d'un symbole unique, une gravure primitive, brutaliste, dont les tourbillons et les lignes figuraient une tempête stylisée et destructrice de planètes vue depuis l'espace, l'œil du cyclone étant plus ou moins centré sur son visage. Il portait une tenue simple, un pantalon et une veste noire, une tunique blanche sans manches et des gants de cuir ajustés, rembourrés aux phalanges. Il avait de longs membres et le peu de sa peau que son costume dévoilait était d'un gris ardoise. Il ne portait aucune arme visible. Markion renversa la tête en arrière et scruta le vide qui les entourait tous. D'étranges lueurs brasillaient au loin, à la limite du champ de vision, passant par toutes les nuances du spectre. Les Nihils avaient baptisé ce lieu le non-espace. Et eux seuls savaient comment s'y rendre, par des routes secrètes traversant des hypervoies torturées qu'aucune base de données galactique ne recensait. Des routes qu'avait fournies Markion Ro et son père avant lui. Le grand hall des Nihils ne comportait ni murs ni plafonds, juste des boucliers invisibles créant un dôme rempli d'air respirable au-dessus d'une vaste plateforme de duracier de plusieurs centaines de mètres de long. Le tout donnait l'impression qu'il dérivait dans le néant absolu. La symbolique sautait aux yeux, délibérément. Auprès des Nihils, c'était la lumière, la vie. Au dehors, le froid et le vide de la mort. « Que vois-je ? » demanda Markion Ro d'une voix calme, plus proche d'un souffle que d'un cri. La foule se tut pour l'entendre. Que voit donc l'œil pour les Nils ? Tout ce que nous désirons ! Fut la réponse instantanée, rugie par un cœur de voix enthousiaste, affamée et joyeuse. Markion regarda Panetta et hocha la tête. C'était au Dowoutine d'assurer le spectacle. L'être gigantesque ajusta les revers de son costume de cuir taillé avec élégance, dont la couleur turquoise pâle était choisie pour mettre en valeur sa peau jaune. « C'est juste !» dit Pan. « Tout ce que nous désirons, comme sur Abdalis. Nous avons anéanti ce convoi. Nous avons déchiqueté ces vaisseaux et nous leur avons tout pris. Et à présent, tous ceux qui ont combattu à mes côtés auront leur part en vertu de la loi des Trois. Avec les Nils, tout le monde mange à sa faim. » Panetta pointa en direction de l'étrange univers du non-espace. Par-delà la plateforme, là où seule la flotte de vaisseaux qui avait amené les Nils interrompait le vide. Markion Rho porta son attention sur les appareils. Il n'y en avait pas deux identiques, tous reflétant les goûts et la culture de leurs propriétaires. Ils avaient en commun une certaine esthétique brutaliste, ainsi que des demi-sphères vertes appelées réacteurs à sentier, miracle de la navigation fourni à l'organisation par Markion et son père. Les vaisseaux des Nils, grands ou petits, ressemblaient à des poings blindés et cloutés, prêts à vous battre à mort et à dépouiller votre cadavre. Aucune courbe là où une ligne droite faisait l'affaire. Des angles aigus, une absence générale de symétrie. Il y avait les plus petits, les nefs de foudre, semblables à des chasseurs, d'autres un peu plus gros, les nefs d'orage et les nefs de nuage, et enfin les trois appareils des maîtres tempêtes, grands comme des corvettes. Kassav possédait le New Elite, Panetta dirigeait l'Elegantia, et Lournadi avait baptisé le sien le Lournadi. Plus vaste, imposante et menaçante, une silhouette se profilait derrière le reste de la flotte des Nils, tel un prédateur marin. Le palais et bastion de Markion Rho, dont les couloirs déserts et remplis d'échos étaient le seul foyer qu'il eût jamais connu. Le Gaze électrique. « C'est pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui, » poursuivit Panetta. « C'est pourquoi nous festoyons. Nous volons ensemble et nous mourrons ensemble, et quand nous revenons, nous glanons le fruit de nos efforts. » Pan désigna Lournadi et Kassav. « Je dois également témoigner ma gratitude à mes homologues. L'opération d'Abdalis a été menée grâce à ma tempête, mais Lournadi et Kassav m'ont apporté le soutien de leurs équipages. Tous auront leur part. » Il tendit la main vers la table et leva une énorme coupe de vin épicé pour la montrer à la foule avant de se tourner vers Markion Rho. « Et c'est également grâce à l'œil des Nils qui nous a donné les sentiers afin de rendre tout ceci possible. Nous n'aurions jamais réussi sans lui. » Panetta rejeta la tête en arrière, leva son masque et vida la coupe dont le vin éclaboussa le sol. La foule poussa un rugissement d'approbation et Markion Rho leva une main en signe d'assentiment. « Mais vous savez !» ajouta Pan en posant le récipient. « Nous aurions pu faire mieux. Ce convoi comptait 6 cargos et nous n'en avons pris que 5 !» Il feignit une grimace d'insatisfaction et secoua son énorme tête. Nous en avons perdu un pendant l'assaut. Il a explosé au moment où nous allions l'éventrer. Et tout ce qu'il nous réservait n'est plus que poussière brûlante désormais. D'un geste ample, il embrassa l'ensemble du grand hall. Où est l'orage qui commandait l'équipe affectée à ce cargo? Une vague agita l'assemblée lorsque les têtes se tournèrent pour chercher celui qui allait devoir assumer cette erreur. Un long moment passa, mais la pression devint insupportable et un homme finit par se détacher. Il faisait partie de la tempête de Lournadi, à en croire sa tenue minimaliste. On avait du mal à identifier son espèce, mais son masque comportait de grandes cornes incurvées qui lui couvraient les oreilles, des fentes blanches pour les yeux, ainsi que le module de filtre devant le nez et la bouche que tous avaient en commun pour survivre aux diverses armes chimiques employées lors de leurs raids. 3 rayures irrégulières sur sa tunique identifiaient son statut dans l'organisation. Hé ! Fit Panetta en se tournant vers l'Ourna dit. On dirait que c'est l'un des tiens, l'Ourna. Ça t'ennuie si je... Je t'en prie, répondit la Twi'lek d'une voix sans émotion. Elle ne dévoilait jamais grand-chose de ce qui se passait derrière ses yeux bleus, froids comme de la glace. « Il s'appelle Zagyar, » ajouta-t-elle. « Zagyar !» s'écria Panetta en désignant l'homme. « Amène le reste de ton équipe, nuages et foudre !» Zagyar adressa un signe de tête au groupe assis à sa table et tous se levèrent. 7 hommes et femmes, tous masqués, tous différents à l'exception des fentes blanches pour les yeux qu'ils avaient en commun avec leur chef. Les nuages portaient 2 marques dentelées sur leur tenue, et les foudres une seule. Ils s'avancèrent comme un seul homme, et les autres Nihils s'écartèrent pour les laisser passer afin qu'ils se postent devant Panetta et les autres. « Qu'est-ce qui s'est passé, Zagyar ?» demanda le Dohoutin. « Pourquoi avons-nous perdu un sixième de ce que nous venions chercher ?» L'orage ne chercha pas à dissimuler sa faute, ce qui était tout à son honneur. Il répondit de façon claire et nette. Pas de fioritures, ni rien qui puisse cacher la vérité. Mark Yonro respectait ce genre d'attitude. « Une de mes foudres, une gamine du nom de Blit, a mal calculé son tir de harpon. Elle a touché un des réservoirs du cargo. » Il n'en a pas fallu plus que ça. Boum. Je flairai quelque chose comme ça. Et elle est ici, cette foudre? Non. L'explosion l'a emportée. Comme la majorité des miens. Il ne me reste que 7 coéquipiers, 2 nuages et 5 foudres. Zagyar fit un geste en direction des intéressés. Je vois ça, dit Pan. Mais il faut bien que quelqu'un paie pour cette erreur. Tout le monde y a perdu, j'y ai perdu. Il fit un signe vers Mark Yonro, toujours assis à sa propre table, plus bas d'un mètre ou deux par rapport au maître Tempête. L'œil y a perdu. Il faut réparer ça, pour les Nihils. Zagyar ne montra ni crainte, ni colère, là encore. Il répondit d'une voix claire et honnête. Mark Yonro comprenait comment l'homme s'y était pris pour devenir un orage, ce qui n'était pas chose facile. On ne grimpait dans la hiérarchie des Nihils qu'à force de réussite et en faisant tout pour que les autres échouent. La foudre qui a foiré l'a payé de sa vie. Ce n'est pas rien, selon moi. Ce n'est pas rien, mais elle n'est pas là. Toi et ton équipe, vous êtes tous responsables. L'un d'entre vous aurait pu mieux former Blit, l'aider davantage. Vous ne l'avez pas fait, et ceci a un prix que quelqu'un doit payer. Je vous laisse décider. Zagyar hésita, examinant l'un après l'autre ses coéquipiers, les masques empêchant de savoir ce qu'ils pensaient. Du fond du hall, la foule se mit à scander les 3 mêmes mots, de plus en plus fort, jusqu'à ce que chaque Nihil les répète. Paie le prix! Paie le prix! Paie le prix! Les coéquipiers de Zagyar se crispèrent. Ils se regardèrent, échangeant de petits regards furtifs, ignorant lequel serait le premier à agir. Les blasters étaient interdits dans le grand hall, mais tous avaient leurs lames et les mains se tendirent vers elles. « Paie le prix !» Mark Yonro tourna la tête en direction du bord de la plateforme, où une ligne de lumière bleutée délimitait la frontière entre le monde éclairé de la vie et le néant glacé. Il détestait les petits spectacles qu'organisaient Pan, Lourna et Kassav lorsqu'ils poussaient nuages, foudres et orages à s'affronter entre eux. Les Nihils collaboraient tous sous la même bannière et empruntaient les sentiers que Mark Yon leur donnait, mais leur union n'allait pas plus loin. Ils incarnaient le chaos, chacun pour sa peau, chaque tempête prête à saper les efforts des autres. N'importe quel Nihil aurait tranché la gorge d'un autre à la moindre provocation ou si une occasion de profit se présentait. Les sentiers pouvaient conduire les Nihils n'importe où dans la galaxie, mais les pirates refusaient d'en tenir compte. Le seul à prendre conscience du potentiel de l'organisation était inévitablement l'œil. Mais ce n'était pas l'œil qui dirigeait les Nihils. Chaque tempête disposait de son propre chef, son maître tempête, et Mark Yonro n'exerçait aucune réelle influence sur ce que faisait chacun d'eux. Il récoltait sa part du butin des opérations menées grâce à ses sentiers en vertu de la loi des trois, mais c'était tout. L'œil voyait, mais l'œil ne pouvait pas agir. Des bruits de lutte parvinrent aux oreilles de Marc Yonro, mais il ne se retourna pas pour regarder. Quelqu'un était en train de payer le prix. Il regarda, tous les Nils le firent, lorsque l'un des coéquipiers de Zagyar, traîné au bord de la plateforme, se mit à hurler que c'était une injustice et à clamer sa loyauté. Marc Yonro ignorait qui on avait choisi. Peut-être Zagyar lui-même. Ça n'avait pas d'importance. La leçon, elle, était limpide. Chaque Nihil était censé contribuer. On pouvait enrichir l'organisation ou encore la renforcer, et un des moyens de renforcer quelque chose consistait à en extraire les maillons faibles. Un corps s'éloigna en flottant dans le vide du non-espace. Il bougeait encore, pas pour longtemps. Panetta se retourna vers les Nihil. Il écarta les bras comme pour les embrasser d'un geste, tout en désignant les tables de festin et les fontaines remplies de drogue, de bâtons de la mort, de planes poudre et de chutes flammes. « Maintenant, profitez, mes amis. Vous l'avez mérité !» Il s'éloigna de la table tandis que les Nihil reprenaient les festivités. Si certains nourrissaient des doutes quant à ce qui venait de se passer, ils les cachaient derrière les masques, les poignées de nourriture et les tas de poudre intoxicante. La musique éclata, très forte, donnant l'impression d'être composée de sons qui évoquaient des feuilles de métal martelées selon une polyrythmie complexe. « Il faut qu'on parle », annonça Marc Yonro en fixant les trois maîtres tempêtes. Cassav se rembrunit. « C'est une fête, Markion. Tu n'as pas entendu Pan. Il y a de quoi célébrer. Pourquoi tu ne te détends pas un peu ?» Marc Yonro le dévisagea pendant trois bonnes secondes. « Il faut qu'on parle affaire. C'est important. Et je veux en parler pendant que nous sommes tous réunis et avant que vous ne soyez trop sous pour réfléchir tous les trois. » Les maîtres tempêtes échangèrent des regards mécontents. L'Ournadi haussa les épaules. « Très bien, Marc Yon, d'accord. Allons au fond. » Marc Yonro descendit de son estrade et se dirigea vers l'autre bout de la plateforme, les maîtres tempêtes lui emboîtant le pas. Des Nihil de tout rang tentèrent de leur serrer la main au passage, cherchant désespérément un contact, même furtif, avec les chefs de l'organisation. Le groupe arriva devant un petit bâtiment érigé à l'extrémité du grand hall. Il abritait le sas et les mécanismes d'amarrage, ainsi qu'un petit complexe dont les chambres offraient un peu d'intimité en cas de besoin. Les deux droïdes sentinelles qui montaient la garde à l'entrée inclinèrent la tête au passage de Marc Yonro et des maîtres tempêtes. Ils mesuraient bien plus de 2 mètres, et en lieu et place de très rudimentaires, les 3 éclairs des Nihil brillaient d'un bleu clair sur la plaque noire et mate qui leur servait de visage. Ils ne portaient aucune arme et n'en avaient pas besoin. Des pics acérés hérissaient leurs membres et leur corps tout entier. Leurs poings serrés, composés d'alliages lourds, pouvaient pulvériser os et chair. À l'intérieur, une fois le portail d'entrée scellé, Marc Yon se retourna pour faire face à Cassav, l'Ournadi et Panetta, tous responsables d'une tempête, l'une des 3 grandes subdivisions des Nihil, sur laquelle il détenait une autorité absolue. « Réussis cette fête !» commenta Cassav. C'était toujours le premier à parler, aussi prévisible que le lever du soleil. Soit il détestait le silence, soit il éprouvait le besoin pathologique de rappeler à chacun sa présence. Marc Yonro retira son masque et leva le bras pour passer la main dans ses longs cheveux sombres et les démêler. L'énergie de la pièce changea, même si les maîtres tempêtes l'avaient déjà vu démasquer à de nombreuses reprises. Son apparence exerçait un effet particulier sur son entourage. Une peau d'un gris ardoise, des yeux entièrement noirs, un physique anguleux et sec. Pour bien des espèces de la galaxie, l'aspect du peuple de Marc Yon criait aux prédateurs, suscitant la peur au plus profond des entrailles. « Réussi, vraiment, Cassav, » grimaça Marc Yon. « Tout ce que j'ai vu, c'était une grande fête. une foule, beaucoup de nouveaux visages dans vos trois tempêtes. Nous avons toujours besoin de sang neuf, dit Panetta d'une voix si grave que certaines syllabes à la limite de l'infrason conféraient une sorte d'ondulation résonnant à sa voix. Les foudres trouvent d'autres candidats, et lorsqu'elles amassent suffisamment de coéquipiers, elles deviennent nuages. Ensuite, ceux qui se font un nom passent au stade d'orage. Nous avons toujours procédé comme ça, tu le sais. On n'a pas changé depuis que ton père était l'œil. Mark Yonro éprouvait la conviction que l'un des trois individus qui se trouvaient devant lui avait assassiné son père, Asgard Ro, gardien des sentiers et œil des Nihils, jusqu'à ce que Mark Yon hérite de ce poste et de tout ce qui l'accompagnait à la mort de son père. Mais il ignorait quel maître tempête avait commis le meurtre, et il n'était que l'œil. Les chefs, c'étaient eux, avec un millier de soldats sous leurs ordres chacun. Il ne disposait que d'une seule alliée réelle qui ne lui servirait pas à grand-chose dans un combat. « Je sais comment ça fonctionne, Pan, » rétorqua Mark Yon. « Mais les sentiers ne constituent pas une ressource illimitée. En multipliant le personnel, nous allons les surmener. Il faut qu'on ralentisse la cadence. »« Personne ne va apprécier !» intervint Lournadi. Nous ne ralentissons pas, nous sommes les Nihils. Mark Yon porta l'index à son casque. Les sentiers viennent de moi. Et ce que je dis à présent, c'est qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence concernant la prochaine étape. C'est tout. C'est la République qui te préoccupe encore, fit Panetta. On en a déjà parlé. On sait qu'ils ouvrent cette station, ce flambeau stellaire, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils vont se lancer à nos trousses. Ils nous prennent pour des gagnes petits. Ils ne nous ont jamais gênés jusqu'ici, et ils ne possèdent même pas d'armée. Comment est-ce qu'ils nous retrouveraient de toute façon? On a nos sentiers, pas vrai? Le Dowoutine ajusta de nouveau son costume de cuir turquoise. Pan avait des goûts bien spécifiques. Il choisissait tout avec soin, depuis ses vêtements jusqu'aux plats qu'il dégustait, en passant par la musique qu'il écoutait. Les Nihils de sa tempête avaient tendance à manifester le même comportement. Dès le début, Pan avait trié sur le volet ses premières foudres qui avaient choisi les leurs. Qui se ressemble, s'assemble. Chaque tempête reflétait les penchants de son dirigeant. Les membres de celle de Pan étaient minutieux jusque dans leurs préparatifs. Le groupe de Cassave, chaotique et impulsif, ne comptait que des foudres, des nuages et des orages, toujours occupés à courir après le prochain exploit, la prochaine histoire délirante dont ils pourraient se vanter une fois défoncés au smash, au point de pouvoir à peine aligner deux mots. Ceux du groupe de Lournadi étaient subtils, introvertis, et ils ne révélaient pas leurs intentions avant d'avoir obtenu le résultat escompté. En général, il s'agissait également des plus cruels des Nihils. Je ne parle pas que du flambeau stellaire, mais aussi de cette histoire avec le légat Siron à Hetzal, précisa Mark Yon. Ces émergences provoquent des catastrophes dans toute la bordure. Mes contacts au sein de la République m'affirment qu'ils se penchent sérieusement sur le sujet. Ils ont lancé une enquête, et même les Jedi sont de la partie. « Les Jedi !» répéta Cassave en dévoilant ses petites dents pointues. « J'ai toujours voulu en tuer un. Ça ferait une belle anecdote à raconter. » Mark Yon savait que Cassave n'avait jamais affronté de Jedi. Lui non plus, du reste. Mais sa famille les avait côtoyés et on lui avait raconté des histoires pendant toute son enfance. Quelques-uns d'entre eux suffisaient à déstabiliser, voire à anéantir les plus grandioses espérances. Ils étaient capables de puiser dans quelque chose. Ce n'était pas que la force, c'était leur ordre lui-même. Il leur conférait une assurance, une structure, une disposition à prendre des décisions servant un objectif plus vaste qui consistait à répandre la lumière dans la galaxie. Cela les rendait audacieux et solides aussi. Mark Yonro n'avait pas peur des Jedi, mais il fallait être idiot pour ne pas les considérer comme une menace sérieuse. Rien ne t'empêche d'essayer de trucider tous les Jedi que tu voudras, Cassave, dit Mark Yon. Donne-nous simplement le nom de l'orage qui devra te remplacer comme maître tempête après ta mort. » Il marqua un temps de pause avant de reprendre la parole, les toisant tour à tour, laissant ses yeux noirs et froids faire le plus gros du travail. Le silence se mua en tension, et Markion continua à les fixer, les défiant de le remettre en question de nouveau. Ils s'en abstinrent. Ils ne le feraient pas, pas ouvertement du moins. Ils savaient que chacun l'aurait décapité sur le champ s'ils avaient su comment accéder au sentier, mais ils gardaient jalousement ce secret. « Voici ce qui m'inquiète, » reprit-il. « Tous les trois, vous dirigez vos opérations de manière indépendante, et vous avez des équipes qui effectuent des raids dans toute la bordure extérieure. » La chancelière So a mis en place un blocus hyperspatial dont le rayon augmente à chaque émergence. Les Nihil sont pratiquement les seuls vaisseaux capables de circuler ces temps-ci, grâce au sentier. Et si la République tombait sur un groupe de Nihil et comprenait de quoi nous sommes capables? Ou les Jedi? Il ne serait pas dans notre intérêt d'attirer l'attention de l'Ordre ou de la coalition défensive de la République? Il secoua la tête. « Je sais que la République ne dispose pas d'armée permanente. Peu importe, nous ne sommes pas assez importants pour lui tenir tête, même face à une simple unité de la CDR. Il nous anéantirait. Je propose de faire profil bas. Pas de nouvelles opérations pour le moment. Plus de sentiers. Si les vôtres vous le reprochent, dites-leur que l'œil a perçu quelque chose dans l'avenir, quelque chose d'énorme. Une nouvelle initiative. » « Est-ce vraiment ce que l'œil a vu ?» demanda Lourna Di. « Une nouvelle initiative, je veux dire. » « Je réfléchis constamment à l'étape suivante, Lourna. Tu le sais. » Kassav et Panetta échangèrent un regard. « Ça ne nous ressemble pas, c'est tout, » fit Kassav. « Je demande donc un vote, » dit Markion. « Eh bien, je vote pour déclarer que tout ça, c'est un énorme tas de fientes de Banta. » répondit Kassav. Les Nihil ne s'arrêtent pas. Il faut qu'on continue à dompter cette tempête. Tu sais, intervint Panetta, je crois que je suis d'accord avec Markion. Je suis pour qu'on prenne une petite pause. Pas très longtemps. Peut-être qu'on pourra en profiter pour planifier, mettre en place une stratégie et prévoir ce qu'on fera si la République vient fouiner dans notre territoire. Pfff, souffla Kassav. « Bien sûr. Toi et les tiens, vous vous êtes engraissés grâce à Abdalis, alors vous n'avez plus besoin de bouffer pendant un bout de temps. Et nous autres alors ?»« Peut-être que tu aurais dû me prêter davantage de tes troupes, Kassav, » rétorqua Pan. « Tu ne pouvais vraiment te séparer que d'un petit nuage ?»« Allez. De toute façon, ça ne m'ennuie pas de faire une pause. Peut-être que je vais prendre des vacances, acheter des billets pour l'opéra sur Kato Neimoidia. » Kassav émit un bruit de gorge dégoûté. La suite du vote n'avait plus d'importance. Pour toute décision liée au sentier, c'était l'œil qui départageait les égalités, selon une règle établie de longue date. Avec le vote de Pan, la décision de mettre en attente les activités des Nihil, en tout cas jusqu'à ce que l'agitation consécutive à la destruction du Legacy Run s'apaise, l'emportait au moins à 2-2. Lourna Di ne s'était pas exprimée. Mais sa décision n'avait aucune importance et son mutisme ne surprit personne. Elle semblait préférer que chacun en sache le moins possible concernant ce qu'elle pensait. Tendance pathologique ou stratégique? Markion l'ignorait. Sans doute un peu des deux. Eh bien, je crois qu'on en a terminé, dit-elle. Mais je veux tout de même vous proposer un travail. Ah? Fit Markion d'une voix ténue. Panetta et Kassav ne semblaient pas particulièrement enthousiastes eux non plus. Les maîtres tempêtes pouvaient autoriser des raids impliquant leurs propres équipes sans demander à leurs homologues, mais tout ce qui nécessitait l'emploi des sentiers nécessitait un vote. En général, cela signifiait que l'avis de Markion constituait le facteur décisif, car la plupart du temps, les deux maîtres tempêtes qui ne voyaient pas leur intérêt dans l'opération votaient contre. Le système n'était pas mauvais, cela dit. En tant qu'œil, Markion était le gardien des sentiers, et il paraissait légitime que sa voix ait davantage de poids quand il s'agissait d'en choisir l'usage. « J'ai un nouveau groupe dans ma tempête, » poursuivit Lourna. « Cette foudre sous un nuage. Ils m'ont soumis un plan vraiment intéressant, à vrai dire. Ils ont trouvé une famille de colons sur un monde minier, des gens qui ont beaucoup de relations. Mes gars veulent les kidnapper et demander une rançon à leur famille de Richard. Plutôt futé. Non, Lourna. Je te l'ai dit. Nous venons de nous mettre d'accord. Plus de raids tant que ça ne s'est pas calmé sur Etzal. Elle s'approcha de lui, ses minces traits déterminés et ses yeux braqués sur lui. Et moi je te dis que ce sera facile, Markion. Ça se passera sur Elfrona, qui n'a pas beaucoup de forces de sécurité. Et la famille a apparemment décidé d'aller vivre à la campagne, toute seule au milieu de nulle part. Des proies faciles. On aura fait l'aller-retour en un rien de temps. Markion se figea, ce que Lourna prit pour une invitation à poursuivre. Le nuage a demandé des sentiers. Tu sais, au cas où. Je sais que nous sommes sous pression, mais c'est un nouveau groupe très prometteur. Je veux leur donner l'occasion de s'intégrer, de faire leurs preuves, et en plus de ça, je t'assure que cette opération peut rapporter gros. Elfrona, répéta Markion, cette planète comporte un avant-poste Jedi. Ah bon ? Demanda Lourna sur un ton qui laissait clairement entendre qu'elle le savait déjà. Markion se tut. Les Nihils n'étaient pas qu'un groupe de pillards comme les milliers d'autres qui sévissaient dans la bordure. Ils étaient spéciaux, puissants, tout ça grâce aux sentiers. Au bout du compte, c'était ces atouts qui définissaient réellement les Nihils. Ils permettaient aux équipages d'utiliser l'hyperespace d'une façon inaccessible à tout autre appareil de la galaxie. Des micro-sauts, des bons jusqu'à des lieux situés dans des puits gravitationnels, la possibilité d'entrer dans l'hyperespace depuis n'importe quel point plutôt que de se livrer à des calculs méticuleux ou de passer par une zone d'accès sans obstacle. Pourvu de cet avantage, les vaisseaux des Nihils pouvaient apparaître ou disparaître à volonté comme des spectres. Ils pouvaient surgir n'importe où, à tout moment, et aucun système de défense ne pouvait les arrêter. Les sentiers définissaient les Nihils, mais ils venaient d'une source unique, loin d'être inépuisable, et que Markion venait de soumettre à rude épreuve récemment, à la fois pour alimenter la croissance de l'organisation et pour mener à bien ses propres plans. La catastrophe du Legacy Run n'était pas la seule raison pour laquelle il souhaitait laisser reposer les choses un moment. Mais l'idée de Lourna dit, cela ouvrait des possibilités. Inutile de procéder à un vote officiel. La Twi'lek était partante, bien évidemment, et les deux votes de l'œil garantissaient la mise en œuvre du projet si Markion Rho acceptait. « Bien, » dit-il, « envoie-moi le plan. » La liste de ce que tu estimes nécessaire, et je te fournirai des sentiers. Mais ne fais rien qui soit susceptible d'attirer l'attention de ces Jedi. Tu entres, tu t'empares de cette famille et tu repars. Merci, répondit Lourna Di avant de s'en aller. Comme toujours, cette femme ne se fendait pas d'un mot de plus que ce qu'il fallait. Cassav et Panetta échangèrent un regard avant de se tourner vers Markion Rho. Pan haussa les épaules. Il s'éloigna à son tour et rattrapa Lourna Di pour rejoindre la fête dehors. Cassav ne bougea pas. Markion leva son masque pour le replacer sur son visage. « Ça ne me paraît pas très juste, Rho, » déclara le Wiki. « Tu donnes un job à Lourna Di, des sentiers, tout ça, mais Pan et moi, faudrait qu'on s'arrête. J'ai des bouches à nourrir, moi aussi. » J'ai un bon millier de gens dans ma tempête et ça va pas les enchanter, tu peux me croire. Qu'est-ce que tu dirais si je t'envoie des idées, moi aussi? Tu pourrais en choisir une et je mettrais mes gars en chasse. T'auras ta part. Un tiers complet pour l'œil, comme d'habitude. Ça te tente pas, un petit pactole? Ils regagnèrent le grand hall et passèrent de nouveau devant les droïdes à pointe qui inclinèrent encore une fois la tête sur le passage de l'œil et du maître tempête. Markion s'approcha du bord de la plateforme, Cassav sur les talons, jusqu'aux lumières bleues qui délimitaient la portée des boucliers les protégeant du vide. « Ton père, il aurait jamais fait ça, » ajouta Cassav. « Fermer les sentiers, tu rigoles ? Pas Asgar Rho. C'était pas un lâche, ça non. » Markion Rho s'arrêta net. « Mon père est mort, Cassav. » C'est moi l'œil à présent. Tu fais ce que tu veux avec ta tempête, mais les sentiers viennent de moi. Ça ne te plaît pas? Tu veux m'affronter, essayer de me prendre ce que j'ai? Ne te prive pas. Mais je te préviens. Il désigna le néant. Il y a un prix à payer.